pouvez taper dans les mains, chanter, etc. Par exemple, c'est pas mal. Au 21 rue Gosselin, il y a une vaisselle de 15 jours. Il y a du moisi sous les plats et des casseroles à faire tremper. Au 21 rue Gosselin, il n'y a pas vraiment de tour. Alors on oublie les plats, tout ça peut patienter. Au 21 rue Gosselin, il n'y a rien qui fonctionne. Des stores à la douche, aux prises de sol, tout déconne. Au 21 rue Gosselin, il y a trop du canapé et du carrelage, pas lavé bien sûr pour pas trop qu'on dérape. Au 21 rue Gosselin, il y a le proprio cinglé qui rentre sans prévenir, fait ses travaux lentement, fait mal fait, aussi sympathique qu'un bulldog, aussi avare que Picsou. Ouais, mais mon gars, ta maison, tant qu'on la paye, il me semble bien qu'elle est à nous. Alors c'est là que vous pouvez chanter. 21 rue Gosselin, il y a celui qui parle beaucoup, jamais pour ne rien dire, toujours pour trop en faire, un peu fou. Il est amoureux de tout le monde, vole au-dessus d'un nid de coucou, ramène sa science sans le vouloir et s'en va vivre à l'autre bout. À vous. Au 21 rue Gosselin, il y a l'étudiante en sociaux qui pose tout le temps des questions, se parle, ne sait pas trop, désigné pour péter la gueule au foutu proprio. Mais tu l'auras ton master, et parfois, mieux vaut tard que tôt. Au 21 rue Gosselin, il y a celle sur qui le ciel tombe de la tristesse, le drame d'une vie, comme l'effet d'une bombe. Mon ami, le soleil est toujours là derrière l'orage, que l'amitié, l'amour te relève et t'emmène vers de beaux, de si beaux paysages. Il y a celui qui se cherche, plus ou moins musicien, pas foutu de remuer son derche. De bas en haut, il cherche l'appui ou l'élan. De haut en bas, il s'en va prendre son train tout le temps. Au 21 rue Gosselin, s'il y a des non-dits, des oui-dires, il y a la vie, le mieux, le pire, des amis qui se disent bonne nuit, il y a une année de passé sans jamais se bouffer la gueule, autant dire bravo! Respect! Et ne soyons jamais seuls! À vous. Attention, ça se complique. Merci.